Radiomatic. pour amorcer la transmission 4-2-2 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'octuor montréalais Bellflower de son deuxième album intitulé The Season Spell et paru en 2016. Nous entendions la chanson Hunter. Les fusions et les métissages de genres musicaux sont le fil conducteur de la séquence musicale qui se trouve à l'instant sur la musique du pianiste Marco Sanguinetti. Thank you. Audiomatic, nous venons de conclure cette séquence sur la musique de l'artiste Sergio Bermejo et son projet Malevo, duquel nous écoutions la pièce Barranca Abajo tirée de l'album homonyme paru en 2007. Avant cela, c'était Makaya McCraven qui nous offrait la composition This Place, That Place tirée de son plus récent album In These Times, paru en septembre dernier. Et en amorce, nous écoutions la pièce Camino, se retrouvant sur l'album Ocho du pianiste argentin Marco Sanguinetti. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le projet montréalais Bardo. Oh. Il s'agissait à Audiomatic du projet montréalais Bardo, mené par Pierre-Alexandre Poirier-Gay, et la chanson Ensemble. Cette pièce est tirée du premier album de Bardo, Apologie des États seconds, sorti en 2016. Sans attendre, Audiomatic se poursuit sur la musique du groupe Noteva Gustar. Lejos, perdido, sin ninguna razón. Para estar contigo te hizo falta corazón. Que me has partido, solo se quedó el dolor. Chao, me despido. Plus je vois ma porte. tu m'amoindris. Moi je possède ce que j'ai. Moi j'ai le goût de moi. Moi je vois ni je veux tout ce que j'ai. Luna de los medanales, lunita gafa ya tenía, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena. Deja que beba en tu vino. Sabia gafa ya tenía y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Que me muera, arena. Arena tapa mi huella para que las bendiga. Yo vuelvo a verla para que en las vendimias mi vida yo vuelva a ver. Terminer cette séquence musicale, c'était le duo composé du pianiste Adrian Iae et de la chanteuse Roxana Ahmed, qui nous offrait la pièce La Arenosa, tirée de l'album Cinemateca Finlandesa, paru en 2010. Avant cela, nous écoutions la pièce Plus de l'artiste québécois Daniel Bélanger. La composition se retrouve sur l'album L'échec du matériel, paru en 2007. Et avant Daniel Bélanger, la formation Noteva Gustar nous offrait Hasta Nunca, une pièce apparaissant sur l'album El Calor del Pleno Invierno. En conclusion de cette transmission 4-2-2 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe aux racines mauriciennes Cosmophone, tirée de son mini-album Cosmophonie, lancé en 2017. Nous écouterons la chanson La Comète. Et c'est mercredi prochain dès 17h que s'actualisera Audiomatic à travers la transmission 4-2-3 qui sera diffusée en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, il est toujours possible d'accéder à nos archives en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Cosmophone et la chanson La Comète. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Chez oreilles qui s'élèvent au bruit de je t'aime. Chez les paupières qui oscillent sous les éclats de neige qui épousent nos this.